Ah. Je suis heureux d'être arrivé à ne pouvoir faire que de la peinture. D'essayer d'arriver à ne pouvoir que peindre. Jeunesse de Soulages, l'écho de Rodez. Les salles d'exposition du Musée national d'art moderne à Paris, avenue du président Wilson, sont consacrées jusqu'au 21 avril à la présentation des œuvres du peintre Soulages, un des plus jeunes parmi les contemporains à connaître cet honneur. Ceci pour la raison que Soulages a déjà acquis sur le plan international une notoriété exceptionnelle pour un artiste de moins de 50 ans. Soulages, il semble que pour vous la toile commence à partir du moment où on l'a fait et qu'elle n'est pas préétablie, intellectuellement préétablie. Elle l'est peut-être pour certaines catégories d'artistes, pour moi elle ne l'est pas. Quand je commence un tableau, je ne sais pas ce que je vais faire. C'est en peignant que je découvre ce que je veux exprimer. La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter. C'était en 1967 la première exposition de grande dimension à lui consacrée par un musée parisien, le Musée national d'art moderne. Et puis maintenant, Soulages à 100 ans, ce 24 décembre, le Louvre propose une exposition d'une quarantaine d'œuvres, notamment autour du Salon Carré. Et puis, en permanence, à Rodez, il y a, c'est sa ville natale, Rodez, un musée Soulages dont l'artisan du succès est ici parmi nous, Benoît de Cron, bonjour. Bonjour. Une chance exceptionnelle pour un conservateur de musée que de travailler avec un artiste vivant, comment dire, sous son autorité, je ne sais pas si c'est le mot qui convient, mais en espérant que ce que vous allez faire lui plaise. Disons que créer un musée avec Pierre Soulages, c'est fait effectivement sous le signe à la fois du partage et de l'expérience partagée. On va dire les choses comme ça. C'est-à-dire que pour un professionnel, c'est une chance inouïe de travailler avec quelqu'un qui a 70 ans d'expérience et qui vous raconte chaque initiative et un peu marqué du sceau d'une expérience qu'il a faite. Donc effectivement, monter pour un conservateur de musée, monter un musée avec un artiste en activité, ça, je tiens beaucoup à ce terme-là, c'est vraiment une chance inouïe, c'est vraiment une bénédiction. Un artiste qui est toujours dans le faire, qui aime parler depuis son atelier, qui ne fait jamais de théorie, qui ne parle jamais de projet, ni même de trajet rectiligne, il est dans l'exercice. Il est dans l'exercice, chaque jour il descend à l'atelier à 7 et quelques heures par jour, eh bien il peint, et les dernières œuvres qu'il a réalisées, je les ai vues il y a à peu près un mois, des œuvres de quasiment 4 mètres de haut, c'est extrêmement impressionnant. Il a un dynamisme qui le projette finalement sur les mois à venir. Soulages dit toujours que le tableau qui lui plaît le plus, c'est celui qu'il est en train de faire. Alors à 100 ans, il pense à l'année qui vient, et il est né il y a 100 ans à Rodez, c'est-à-dire, dites-vous, Benoît de Cron, je ne veux pas vous fâcher avec les autorités de Rodez, il est né il y a 300 ans. Il est un peu né il y a 300 ans, ou dans le sens où, qu'est-ce que c'était que Rodez en 1919? C'était une ville de 11 000 habitants, 26 permis de conduire, une ville quand même sous l'emprise, pas sous l'emprise, c'est pas le terme qui convient, mais disons très rurale, et franchement, c'est 100 ans. C'est beaucoup, c'est très peu, et à la fois, effectivement, c'est tout un monde. Donc c'est vrai que le jeune Pierre Soulages n'a eu qu'une envie, c'était de s'extraire à la fois de sa propre, à la fois un peu de son éducation, un peu de sa ville, et monter à la capitale, bien sûr, pour 1946, exposer et se faire connaître. Oui, mais non sans raconter toujours, surtout depuis qu'il est revenu avec ce musée à Rodez, ce que fut sa jeunesse dans la ville. Alors, il y a une doxa, Pierre Soulages, il raconte l'histoire qu'il veut bien raconter, il peut y avoir des variations, mais il y a des moments qui sont des nœuds, il faut en passer par là, dans cette première émission d'une semaine, des nœuds biographiques. La tache noire en face de la chambre où il faisait ses devoirs. Alors, c'est une rue qui est la rue des artisans, la rue Combarelle à Rodez. Soulages y a éprouvé à la fois les sons, les matières, et donc en face de sa chambre, en effet, il y a l'hôpital. En face de sa maison, il y a toute la Troisième République, l'hôpital, le tribunal, un peu plus bas, l'asile psychiatrique. Et donc sur le mur de l'hôpital, il voit une tache. Cette tache, quand il la voit à 8-10 mètres de sa chambre, de sa maison natale, eh bien, il y voit d'abord un coq dressé sur ses ergots. Et ensuite, descendant dans la rue, il voit que c'est tout simplement une tache de goudron, avec une forme, une viscosité, une forme très attirante. Et je pense que, si on parle d'abstraction ou non figurative, je crois qu'il y a, je dirais déjà, tous les ferments de la création chez Pierre Soulages. Voilà. Donc dans les épaisseurs et les légèretés de la tache de goudron, il y avait des choses qui l'intéressaient plus que la figure du coq, qui au fond, quand il l'avait vu apparaître, le décevait, quoi. Bien entendu. Oui. Bon, alors, comme le conservateur de son musée a raconté ce qu'il fallait raconter, laissons maintenant Soulages en liberté. Je parlais de variations. Il y en a sans cesse dans le récit qu'il fait de sa biographie. Mais vous savez, en dehors de la tâche, ce qui a compté aussi, c'est que j'aimais beaucoup la pêche quand j'étais jeune. Oui. Et j'aimais... Vous voyez, je ne veux pas parler de la tâche parce que j'en ai souvent parlé, mais si vous y tenez, j'en parlerai. Non, mais... Non, j'aimais beaucoup la pêche, j'aimais beaucoup pêcher la truite, j'aimais beaucoup marcher le long des rivières. Un besoin de solitude? Oh, peut-être, mais c'était pas un besoin comme ça. J'étais sollicité par plusieurs choses. Il y avait la solitude, il y avait aussi le fait d'épier les mœurs et les habitudes des poissons. C'était aussi oui, mais enfin je vous parle des rivières et finalement ça donne une très mauvaise idée, les rivières et les bords de l'Aveyron ou du Viaur ou de ces rivières que j'ai très bien connues. C'est une chose, mais j'aimais aussi, vous me parlez de solitude, alors je pense brusquement que j'aimais tout autant de longues marches dans l'Écosse. L'Écosse, vous savez, ce sont ces grands plateaux qu'il y a dans l'Aveyron, le Lot, enfin... Très rocailleux. Oh, rocailleux, oui, mais enfin, ce sont surtout des sortes de déserts à petite échelle, à l'échelle française, à l'échelle de... Mais enfin, quand on marche à pied, c'est l'immensité. C'est l'immensité, la nudité, c'est le dépouillement, il n'y a rien dans l'Écosse. Et pourtant, c'est une chose extrêmement vivante. Il y a de grands ciels, il y a de grandes lignes simples, il y a des couleurs absolument fantastiques. Enfin, je dis fantastiques. En réalité, il y a des couleurs extrêmement. Quand je dis il y a des couleurs fantastiques, elles sont précises. Vous voyez, on pourrait imaginer que c'est une foule de couleurs. Pas du tout. Il y a la couleur du ciel et l'ocre unique de la terre avec celui des cailloux. De loin en loin, et quelques taches un peu plus foncées d'une végétation rase et rabougrie. Et c'est ce que j'appelle des couleurs fantastiques. Entretien, il a 51 ans, en 1970, avec Roger Bouillot sur France Culture. Qu'il soit dans la doxa ou dans la variation sur la doxa, c'est toujours un bonheur de l'écouter, tant le récit est maîtrisé. Il dit pas, là, que sur le Causse, est-ce qu'il n'allait pas avec des braconniers? Parce que, au fond, dans la boutique d'articles de pêche et de chasse qu'à Rodez tenait sa mère, ce qu'il préférait, c'était les braconniers. Bah, c'est-à-dire que Soulages, c'est quelqu'un qui est insoumis, autonome, donc c'est dans ce sens qu'il pourrait un peu braconner, oui, je pense, oui. C'est pas quelqu'un, Soulages n'est pas quelqu'un qu'on embrigade. Voilà, c'est pas du tout quelqu'un comme ça. Mais je retiens dans ce qu'il dit là, c'est l'intérêt du jeune Soulages à Rodez pour, d'une part, la pêche, le rugby, l'archéologie préhistorique. Ça, c'est aussi une passion avec Balsan. Et puis, bien sûr, aussi la peinture. Voilà. Et au musée Fenaille, vous aviez organisé une exposition sur le musée imaginaire de Soulages, où on voyait, on les voit d'ailleurs tout le temps là-bas, les statues menhirs qui avaient impressionné Soulages, parce qu'il ne savait pas quels étaient les hommes qui avaient construit ces traces, mais ces traces, il les suivait. Et alors, chez Soulages, l'art contemporain, si je puis me permettre, c'est l'archéologie, la préhistoire. Faut pas oublier que c'est en 43, je crois, qu'on découvre les grottes de Lascaux. On commence à sortir des reproductions d'Altamira. Quand il y a eu Grotte Chauvet, Cosquer, etc., Soulages était vraiment passionné par ça. Et c'est le Moyen-Âge. Donc c'est vrai que, il y a cet intérêt très très profond et que, même s'il s'intéresse bien sûr à l'art de son temps, il pense que les linéaments de son art viennent de très très loin. Alors l'autonome qu'il est va pas se plaire à l'école des Beaux-Arts de Paris, où il a été pourtant reçu. Il va un moment à l'école des Beaux-Arts de Montpellier, puis c'est la guerre, il est enrôlé dans les chantiers de jeunesse. Et il va ensuite vivre comme régisseur agricole dans l'Hérault. Nous sommes là justement en 1943, la date que vous citiez il y a un instant. Un endroit où il va faire des rencontres, malgré la rareté des passants. Enfin, je n'ai pas cessé un seul instant de penser à la peinture, même au cœur des plus mauvais moments. C'est-à-dire que ces moments-là ont été alors très fructueux, parce qu'ils vous obligeaient à beaucoup de réflexions. C'est vrai. Et que vous étiez frustré alors de la possibilité de peindre. Et puis aussi, j'avais pendant la guerre, c'est vrai, mais j'avais aussi pendant la guerre un voisin. Un voisin qui a compté pour moi, qui est Joseph Delteille. Ah oui, je comprends qu'il ait compté. Et qui est un ami, et qui était un ami de Delaunay, de Sonia Delaunay, que j'ai d'ailleurs rencontré au cours de la guerre, chez lui. Chez lui, à la Tuilerie, chez elle aussi, parce que Delteille vivait avec l'importatrice de la revue Nègre à Paris dans les années 1920. Ils avaient été tous les deux très connus, Joseph et Caroline, dans la capitale. C'est la chance de ma vie. Ah, voilà, alors là, évidemment, ça change tout. Imaginez qui voulait faire une autre chose. Mais ça n'a jamais été difficile pour vous. Mais de temps en temps, c'était difficile un peu à cause de... Parce que un homme qui a eu une pleurésie, on est toujours... Non, mais je veux dire de vivre comme ça, en dehors de ce qu'on appelle le monde, enfin, ce qu'on appelle les grandes villes... Je n'aimais pas le monde, et j'étais pas à l'aise. Ouais. Mais Joseph préfère la campagne, alors évidemment, si Joseph veut la campagne, moi j'habite la campagne. C'est tellement extraordinaire de vous voir vivre tous les deux. Vous savez que depuis quelques jours, là, je vous regarde avec cette caméra, là, c'est un peu... comme regarder dans le trou d'une serrure et vous voir tous les deux, c'est extraordinaire, je vous dis. Mais lui est... Il est jaloux encore, j'ai l'impression, Joseph, par moment. Oh ! Imaginez d'être jaloux quand on a presque 80 ans, c'est absurde. Et cependant, il est jaloux. Il est jaloux d'un chat, il était jaloux de ma mère à 80 ans, il est jaloux de ma fille qui avait 14 ans, je crois. Je ne sais pas, mon caractère, c'est d'être gentil avec tout le monde, faire plaisir. C'est à dessein qu'on fait entendre la caméra de Jean-Marie Drault dans ce superbe film, Portrait des Delteille, mais pas la voix de Joseph Delteille, parce qu'il a été si important, Joseph Delteille, qu'il faut mieux qu'il manœuvre à l'arrière. Bah, c'est-à-dire que Delteille, il repère tout de suite chez Pierre Soulages la nouveauté du peintre, et il dit qu'il faut prendre, il prend la peinture par les cornes comme un petit taureau, et donc c'est aussi le moment de basculement de Pierre Soulages qui va s'affirmer comme un peintre non figuratif. À l'époque, on parle pas véritablement d'abstraction ou de peinture abstraite. Donc c'est pour ça que Delteille est important. Et puis Delteille aussi, c'est ce milieu artistique avec entre autres les Delaunay. C'est la découverte un petit peu aussi de la figure de quelques autres artistes par Pierre Soulages. Oui, mais Delteille, c'est la recommandation de toujours commencer par le commencement, par le moment des origines. Quand Delteille reviendra sur la scène, sera de nouveau connu au moment du film de Drault. Ouais. C'est autour de la cuisine paléolithique, par exemple. Ah oui, formidable livre. Ouais. Oui, formidable livre. Donc c'est vrai que c'est une... Et pour Soulages, je crois que c'est vraiment une véritable entrée en matière. C'est un basculement. Vient la fin de la guerre, alors il aurait pu, puisqu'il vit maintenant avec Colette, son épouse, qui est toujours là, Paris en 42. À ses côtés, il aurait pu travailler chez le père de Colette, qui lui offrait un appartement de fonction. Mmh. Pas du tout, ils préfèrent tous les deux partir pour Paris, quitte à bouffer de la vache enragée, et ils débarquent en 1946 à la gare de Lyon. Ceci, c'est un autre moment de la doxa, mais si étrange. C'est un récit à Gilles Lapouche, qui est le contemporain de Soulages, ou à peu près. Là, je ne vais pas vous parler de peinture, bien que, au fond, je ne cesse de faire ça depuis tout à l'heure. Mais c'est la contre-clé. C'est quand même une peinture. Quelquefois, on me demande quelles sont les peintures qui vous touchent, qui vous ont. Alors, on a bien sûr dans l'esprit quand on me pose cette question les peintures que j'ai pu voir dans les grands musées, au Louvre ou ailleurs. Et J'ai toujours envie de dire une chose que je ne dis pas, que je dis quelquefois, mais enfin prenant des précautions, parce qu'elle paraît provocante. Et alors qu'en réalité, dans mon esprit, c'est pas du tout une provocation. Et alors j'en parlerai, bien qu'il ne s'agisse pas d'une peinture, et bien qu'il s'agisse de peinture, il s'agit de quelque chose que j'ai vu. Quand je suis arrivé juste après la guerre, c'était après... À Paris. Je suis arrivé à la gare de Lyon, par le train qui m'a mené du midi, où pendant la guerre, je m'étais caché pour échapper au STO. Et en arrivant... la verrière de la gare de Lyon, qui recouvre le hangar, enfin la gare proprement dite, le verre de cette verrière avait été cassé, probablement par des éclats de DCA ou de je ne sais quoi, et avait été réparé. Et la réparation consistait à, pour boucher les fentes qu'il y avait, on avait passé avec une brosse maladroite un pinceau de peintre en bâtiment, probablement un pinceau même un mauvais pinceau, on avait passé du goudron sur ces, et j'ai été très très ému par ce spectacle. Et quand on me parle de peinture, je pense à ça, parce que ça a été un choc pour moi. D'abord, parce que il faut se rappeler aussi du moment auquel ça arrivait. C'était juste après la guerre, on venait de vivre cette période terrible. Et il y avait là quelque chose de pauvre, dans la manière de élémentaire et simple de tracer un trait de peinture. Et puis, ce n'était pas n'importe quoi non plus, parce que les traits avaient une espèce de cohérence. Ce qui était très beau aussi, c'est qu'ils s'opposaient à la lumière. La lumière venait de derrière et ils n'en paraissaient que plus sombres. Puis il y avait aussi cette résonance brune du goudron qui était aussi très émouvante, qui agissait très fort sur ma sensibilité. Et dans le petit appartement mal commode de Courbevoie, il va peindre avec du goudron sur du verre, du brou de noix sur du papier. Oui, alors il va peindre avec, il va récupérer des éléments de verre, je crois, d'une serre abandonnée, et il va réaliser finalement quelques, il y en a pas 10, hein, je crois qu'il y en a 6, des goudrons sur verre. Et donc ces goudrons sur verre sont intéressants parce que justement c'est d'une part le verre qui est translucide et non transparent. Il y a les deux matières, la matière du goudron déjà un peu granuleuse, et le côté là, il y a matière lisse. Il y a déjà dans ces figures de goudron et dans cette intervention du hasard, il y a déjà ce qui va y avoir quelques années plus tard à Conques, c'est évident quoi. Et puis puisqu'on parle des brou de noix, les brou de noix ce sont des feuilles de papier qui sont peintes avec un produit basique qui est du brou de noix qui sert atteindre en fait les meubles. Et donc le brou de noix, il va le passer au pinceau large avec les traces de pinceau, il va le maçonner au couteau, il va le travailler au couteau, il va le rayer, etc. Et donc le brou de noix va être très très important parce que les premiers brou de noix sur papier, c'est les expositions de 48-49 en Allemagne, et là c'est la piste de décollage en fait de la reconnaissance européenne de Pierre Soulages. Alors il y a beaucoup de brou de noix dans votre musée de Rodez, de Conques dans l'Aveyron aussi, on parlera le jour de Noël, au lendemain du 100e anniversaire de Pierre Soulages. Mais moi j'entendais ces réflexions sur les brosses, les pinceaux. Alors, après Courbevoie, il y a un atelier rue Schoelcher, puis il y a un atelier rue Galande. Et alors, c'était un ancien atelier d'ouvriers, rue Galande, et dans la soupente, il y a des outils. Alors c'est très important l'outil. Il récupère les outils de la rue Galande. Alors, il récupère des outils, il en fabrique. Il va acheter des outils de l'homme du commun, c'est-à-dire des spalteurs, des pinceaux de peintre en bâtiment. Il y a une typologie de pinceaux, une topologie de pinceaux dans l'œuvre de Soulages qui est absolument innombrable. Et puis, il n'aime pas ces petits pinceaux en poils de marte qui font quand même trop emprunter, de la même manière qu'il n'aime pas non plus les tubes de peinture qu'il appelle les tubes de dentifrice. Donc en réalité, il y a une manière de travailler cette matière avec des nouveaux outils. L'outil arrive toujours avec une matière, et ce que fait Soulages avec la matière lui apprend ce qu'il cherche. Ces deux angles noirs, comme ça, me donnent envie maintenant d'ajouter quelque chose. Enfin, il faut attendre, parce qu'au fond, je ne vois rien encore, là. Il faut qu'il y ait un travail de... Enfin, il faut que la poudre que j'ai répandue sur la couleur s'accroche à la couleur. Mais dès maintenant, je trouve que ces deux sortes de noirs qui se sont produits à côté me donnent envie d'ajouter ici autre chose. Et peut-être de laisser jouer ça uniquement comme couleur à côté d'un... Et ça peut faire un diptyque avec la partie droite en couleur et la partie gauche qui me paraît même maintenant devoir être en noir étant donné ce qui s'est produit là. Mais enfin, on va voir. On va voir ce qui se produit. Citons là le nom de l'interlocuteur, il n'aimait pas beaucoup travailler devant les autres, Soulages. Mais quand c'est Pierre Encrevé, alors là c'est l'ami, c'est l'auteur du catalogue, hélas, c'est un personnage disparu au début de l'année, ouais, avant l'exposition. C'est un ami et un personnage considérable, à la fois pour Pierre Soulages et puis pour le musée Soulages, pour lequel il a beaucoup œuvré. C'était aussi un ami de Michel Rocard, je le dis entre parenthèses, c'est comme ça que Soulages, plus tard, fera la stèle dans un cimetière de Corse Absolument. De Michel Rocard. Parce qu'il a connu tout le monde, les présidents de la République, les premiers ministres, les présidents de la République d'ailleurs. Mais c'est pas notre sujet. On va voir. Qu'est-ce que c'est cette absence de méthode ? C'est une vraie absence de méthode, mais c'est toujours un dérapage contrôlé chez Soulages. C'est-à-dire que à la fois il laisse les choses au hasard, mais à la fois il contrôle. Je pense que chez Pierre Soulages, il y a une grande intelligence, je dirais, du tracé, de la touche de peinture. Et voilà. Et donc quand il dit, par exemple, c'est ce que je fais qui m'apprend ce que je cherche. Et il s'inscrit en faux, évidemment, à ce qu'on a attribué à Picasso. Je ne cherche pas, je trouve. C'est-à-dire que c'est de l'artiste démiurge de l'avant-guerre, Picasso et d'autres grands artistes, Bonnard, etc. Il y a la figure de Soulages, entre autres, qui est que chaque élément qui semble partir comme ça un peu à l'aventure et travailler avec des matières, choses comme ça. Mais derrière tout ça, je pense que chez Soulages, il y a toujours une forme de contrôle. Mais en sachant utiliser très intelligemment le hasard. Mais il y a un moment quand même où il considère, non pas la toile comme finie, mais son intervention comme terminée. Alors, il ne donne pas de titre, parce que ce serait faire une exposition trop explicite. Comment s'appellent les tableaux de Soulages ? Ils sont nommés par leur dimension et leur peinture, 195 par 130, 8 décembre 1956. Ah. Donc, une peinture de 195 par 130, et elle est signée du 8 décembre 56, parce qu'il peut peut-être y en avoir une autre de 195 par 130, signée au mois de septembre, par exemple. Voilà. Et alors, il fait intervenir ses amis, ses proches, pour savoir si c'est fini ou pas, enfin, s'il doit abandonner ou pas. Il vous demande votre avis, par exemple, à vous, Benoît Decran? Il me demande pas mon avis, mais il aime bien montrer les œuvres. Il lui arrive de montrer des œuvres en cours de réalisation. Il aime bien avoir le regard des autres. Voilà, ça, je crois qu'il aime bien. Et c'est une grande qualité de cet artiste, non pas d'être dans le doute, mais toujours de s'interroger sur ce qu'il est en train de faire. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est toujours le tableau qu'il est en train de faire qui est le plus important pour lui. La notoriété est venue peu à peu, on va pas en donner les dates, elle est absolument établie au tournant des années 80 et 90, quand le projet de Conque, sur lequel j'y insiste, on reviendra mercredi, vient au jour. Et cette notoriété, notamment acquise auprès de collectionneurs ou de musées allemands, danois, américains, l'amène à beaucoup voyager. Et je voulais entendre un dernier témoignage qui vient de son expérience au Japon. C'est très important pour lui, le Japon. Il y est allé plus d'une fois. Hein. Oui, tout à fait. Oui. La première fois, à l'occasion de la tour du monde avec sa femme en 57. Il est imperium au Japon, donc c'est comme un dieu vivant. Il a rencontré, l'empereur Akihito qui lui a remis cette décoration. Donc pour lui, le Japon a une très grande importance. Il sait pas quoi dire à l'empereur du Japon. Enfin, la conversation est un peu lente. Et puis, tout d'un coup, par la baie, il voit les bouleaux du parc impérial. Et alors là, l'empereur se détend. C'est moi qui les ai plantés, lui dit l'empereur. Ce qu'on va entendre ici, c'est le résultat d'une méditation dans un temple japonais. J'ai assisté à une cérémonie. Alors, on s'est déchaussé. On est entré dans un espace de... dans une pièce du temple. Et alors là, il y avait trois officiants, une vingtaine de personnes agenouillées, qui se sont agenouillées, à vrai dire, en même temps que nous, sur un coussin. Et nous sommes restés assis sur nos talons, comme ça, pendant environ trois quarts d'heure. Et nous avons assisté à l'office. Les prières étaient rythmées sur plusieurs cloches. Une qui ressemblait à un énorme grelot, une autre qui était comme un vase au fond. mais posée, c'est-à-dire posée comme un vase avec l'ouverture vers le haut. Et puis une autre plus petite. Celle qui était la plus grande avait un son beaucoup plus grave. Et elle était frappée par un bâton entouré d'un chiffon, semble-t-il. Un chiffon, oui. Et l'autre était beaucoup plus aiguë. Et il y avait tous ces sons qui rythmaient la prière, et dont en particulier un qui s'est accéléré à un moment et qui allait de plus en plus vite. Lorsque la prière s'est terminée, et j'ai entendu, et alors pour se terminer, les paroles sont devenues de plus en plus lentes, et elles se sont terminées avec alors que le rythme était assez accéléré, le rythme brusquement est devenu très très lent, pas brusquement, progressivement est devenu très très lent et s'est arrêté. Et j'ai associé cette manière-là au son de cette cloche dans la nuit qui nous quittait, qui s'en allait, et qui créait une immensité. Oui. Je ne t'ai jamais parlé de ça. Et je ne t'ai jamais parlé non plus du bourdon des nuits de gel à Rodez. Le bourdon des nuits de Noël. Mais alors... le bourdon, c'est la grosse cloche de la cathédrale, mais qui, elle, est frappée par du métal, et qui est très, très grave aussi, mais où ce qui déclenche le son est extrêmement brutal. C'est un choc. C'est pas un choc sourd et doux, et c'est quelque chose de très, très vieux, très violent, de heurté. Mais ce qui était beau, c'était évidemment non pas tellement le son en lui-même, mais la manière dont il faisait vivre l'espace des nuits, des rues gelées dans le gel de la nuit de Noël, des rues de Rodez, qui est une ville pleine de pierres. Soulage avec Jean-Claude Bringuier, 84. Vous aurez reconnu, vous qui vivez à Rodez depuis longtemps, Benoît Decron, l'écho du bourdon. J'ai appelé cette émission l'écho de Rodez. L'écho de Rodez, c'est effectivement... Soulage dit qu'il est né, il a deux naissances, Rodez et la peinture. Et si on parle de Rodez, effectivement, il a une très grande connaissance de la ville. C'est vrai que cette cathédrale le touche avec le mur, la réverbération des sons. Il lui demande des nouvelles de ses amis, alors vous lui dites... il demande des fois des nouvelles de ses amis, mais il arrive souvent que ses amis ne soient plus là, quoi. Et en fait, je pense que c'est quelqu'un qui connaît très très bien, même encore maintenant, la vie de Rodez. À la fois, Rodez était une ville très austère, qui est restée une ville très austère, et je crois que ça a beaucoup joué, en effet, dans sa manière de peindre et sa manière de considérer les choses. Une exposition sur les femmes artistes des années 1950 dans votre musée à Rodez, l'exposition du Louvre qui a commencé le 11 décembre, et puis on voit toujours les tableaux de Soulage dans les collections permanentes du Centre Georges Pompidou. J'ai donné les auteurs des entretiens qu'on a entendus, mais la peinture ne se dit pas avec des mots, mais pourtant il réussit à la dire avec des mots mieux qu'un photographe ne pourrait la photographier. Oui, tout à fait. C'est quelqu'un qui d'abord a une bonne connaissance littéraire et qui se sert beaucoup des mots. Oui. Eh bien, nous aurons plaisir à l'entendre tout au long de la semaine, n'est-ce pas, Fabrice Drouel ? Oui, nous serons dans les mots aujourd'hui, dans Affaires Sensibles, puisque nous serons avec Simone de Beauvoir pour le deuxième sexe, qui fut bien au-delà d'un livre, un manifeste. C'était l'époque où Soulage habitait rue Victor Schœlcher, non loin, me semble-t-il, tout à fait, de Simone de Beauvoir. Ils étaient voisins. Vous voyez comme le hasard fait bien les choses. Il faut laisser les choses se faire, on va voir. Franck Olivard pour la préparation, Étienne Bertin pour la réalisation, Loïc Frapsos pour la technique.